Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous préféré sur le disco et le funk. Aujourd'hui, pour la découverte, on va se concentrer sur le groupe Dynasty. Alors, aucun rapport avec la série. Le morceau, c'est Do Me Right, extrait de l'album Adventure in the Land of Music, sorti en 1980. Le groupe se forme à la fin des années 70. Ils sortent leur premier album en 79. Il y a déjà un tube dans leur premier album, I Don't Want to Be a Freak. L'année suivante, sort notre titre dans les bacs. Alors ensuite, il suivra plusieurs albums jusqu'en 1988, date de leur séparation. Assez parlé, écoutons ce premier morceau. Baby, and I'll do you the same thing too. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, on retrouve maintenant notre rubrique des 100 hits. On va s'intéresser au groupe Silver Convention et son titre Fly Robin Fly, sorti en 1975. Il s'agit du premier single enregistré en Europe à se classer numéro 1 du top disco US. Musicalement, il impose un format inspiré de Love Theme de Love Unlimited ou The Hustle de Van McCoy. Un groove sensuel, des pales réduites à leur minimum et des mélodies accrocheuses jouées par des cordes. Silver Connection est l'œuvre de Sylvester Silverlevé et Stefan Prager, deux compositeurs, arrangeurs et producteurs installés à Munich. L'album est enregistré par des chanteuses de studio. Mais le succès du premier single, Save Me, les oblige à trouver trois chanteuses charismatiques pour représenter le groupe, Linda Thompson, Jackie Carter et Ramona Wolf. Fly, Robin Fly propulse leur carrière et ouvre l'Europe au marché disco américain. Vol, rouge-gorge, vol, oh oh, vers le ciel, ce sont les seules paroles du morceau, chantées à l'unisson. La musique passe avant le texte. Malgré une production lisse et des voix éthérées, on ne peut nier le caractère sexuel incarné par ce trio de belles femmes et par la paire de menottes illustrant la pochette de l'album sur lequel est gravé « Save Me ». À part « Get Up and Boogie », Silver Convention ne trouve pas le succès. Levé et Prior retournent à la fin de l'ère disco à la musique de film, en travaillant notamment sur la bande originale de Flashdance. Allez, c'est parti! Bye. Alors on attaque la BO, toujours sur le film You Can Stop the Music. Aujourd'hui, David London et son titre Samantha. Ce chanteur a plusieurs alias, tels Dennis Fredriksen et Fergie Fredriksen. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur cet artiste, juste qu'il a fait partie du groupe Toto et enregistré un seul album avec eux. Suite à une tournée difficile et à sa difficulté à s'intégrer, il quittera rapidement le groupe. La chanson est illustrée par une soirée en boîte de nuit et dédiée au personnage imaginé pour remplacer Henri Bellolo, Samantha. Alors on la dédie aussi à toutes les Samantha. C'est parti. Et Mr. Funk sur Fadjet. Le maxi, on y va. Alors un groupe qui n'a pas encore été diffusé dans notre émission, Whipple. Originaire du Michigan et créé en 1973, il connaîtra une vie éphémère de 4 ans. Le titre The Beat Goes On and On est leur dernier single. Il atteindra la 13e place des charts US. Alors il sera extrait de l'album Son of the Gods, leur second et dernier album. C'était en 1978 et ça donnait ça. We'll be right back. On arrive à la fin de notre émission et la pépite du jour va être consacrée aux Spinners. Le titre, Magic in the Moonlight. Extrait de l'album Grand Slam, sorti en 1982, on perçoit à travers le morceau un changement d'époque. Le titre va passer relativement inaperçu, aussi c'est l'occasion de le redécouvrir. Let's go! Alors j'ai comme toujours été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye.